haleine poète ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Hola SOS, la chanson Isoy Andrés. Leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la la la la la la la. Buenos días a todos y a todas. Primero decir que Radiopolis hemos cambiado de dial. Ahora tenemos que escuchar la radio en el 92.3 FM. Y si no, pues este programa lo podéis seguir escuchando o volver a escuchar en la página web de Radiopolis, en la chanson o en iVox, en su móvil o en donde queráis, y también en la página Facebook de la chanson Radiopolis. Bueno, Miguel Ríos decía que o cantaba que los viejos rockeros nunca mueren, pero la canción francesa está de luto porque acaba de perder a uno de sus rockeros más famosos, Jacques Higelin. Tres de los grandes han ido en un trimestre, Johnny Hallyday, France Gall y ahora Jacques Higelin. Había dos Jacques en la canción francesa, Jacques Brel y Jacques Higelin, dos poetas que supieron poner palabras y música sobre sus emociones y hacer de ellas canciones inolvidables. El 6 de abril del 2018, a los 77 años, se nos ha ido un rockero y a la vez un poeta que consiguió unir el ritmo y la palabra. Se reclamaba de Charles Trenet, del que acabamos de escuchar la sintonía, que hizo lo mismo 30 años antes, y Trenet lo reconoció como su delfín, compartiendo escenario con él en el 1977. El público nunca olvidará su humanidad, su energía, sus conciertos de 4 horas, su poesía surrealista y su capacidad de improvisación. Era además un hombre comprometido con su tiempo, apoyando causas sociales como el derecho a la vivienda para todos o las parejas mixtas con sin papeles. Empezaremos escuchando su primer éxito, un dúo que cantó con su compañera sentimental de la época y artística de toda la vida, Brigitte Fontaine. Se llama Cet enfant que je t'avais fait, este hijo que te había hecho. Es un diálogo de sordos entre un padre que busca a su hijo y la madre totalmente ida, que no se acuerda de lo que ha hecho de él ni se acuerda del padre. Detrás de las palabras podemos entrever el trauma de la madre que abortó sin que el padre lo supiera, porque en 1967 el aborto seguía perseguido, se legalizó en 1975. Escuchemos Cet enfant que je t'avais fait de Jacques Higelin, cantado por Jacques Higelin y Brigitte Fontaine en 1967. Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier mais le second, te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Celui dont j'aimais tant le nom, te souviens-tu? Offre-moi une cigarette, j'aime la forme de vos mains. Que disiez-vous? Caressez-moi encore la tête, j'ai tout mon temps jusqu'à demain. Mais cet enfant, où l'as-tu mis? Tu ne fais attention à rien. Te souviens-tu? Il ne fait pas chaud aujourd'hui. L'enfant doit avoir froid ou faim. Te souviens-tu? Vous êtes tout à fait mon type. Vous devez être très ardent. Que disiez-vous? Je t'en supplie, souviens-toi, où as-tu mis ce bel enfant? Te souviens-tu? Je l'avais fait rien que pour toi, ce bel enfant encore tout blanc. Te souviens-tu? Fontaine comenzó a Jacques de dejarse de música experimental y lanzarse a cantar solo y atreverse con el rock. En 1974 sale BBH 75, su primer álbum, todo un éxito que le propulsa al estrellato. De este álbum vamos a escuchar Cigarette, Cigarrillo, todo un canto de amor al acto de fumar, un acto muy sensual para él. Ijlan siempre ha sido un fumador empedernido y hasta el final de su vida, y de esto morirá, un cáncer de pulmones. Estoy enamorado de un cigarrillo, todo el día se me pega al labio, me gusta bien bueno como una papisa, cuando con la lengua lo lamo se tambalea, es redondo como un pecho que se muerde o se chupa. Escuchamos Cigarette de Jacques Higelin del año 74. Je suis amoureux d'une cigarette toute la sainte journée. Elle me colle au bec. Elle aussi, si te reste un peu de ferraille, ravitaille-moi d'un paquet de gris. Que je m'en grille une aussitôt à la place de ce satané vieux mégot. Oh, je suis amoureux d'une cigarette. Sans elle, j'ai l'air d'un poussin cherchant son omelette. Et Susan, si te reste un peu de pognon, ramène-moi donc un paquet de blonds. Je m'enroule une aussi sec à la place de ce satané vieux mégot. Oh, oh, oh. Je l'aime bien épaisse, roulée comme une papesse, dans son fourreau zigzag à bord gommé. Quand du bout de la langue, je la lèche le tangue, fumant elle frémit sous la morsure de mon dentier. Hey, hey, hey. Hey. Mmh. Hey, hey. Je suis amoureux d'une cigarette. Elle a la rondeur d'un sein, qu'on mord ou qu'on tête. Et Jenny, y aura une taf pour toi si tu penses à mon paquet de gris. Mange-toi car j'ai bientôt fini de tirer sur ce satané vieux mégot. Oh, oh, oh, oh. Mmh. Oh, oh, oh. Mmh. Hey, hey, je suis amoureux d'une cigarette. Je suis amoureux d'une cigarette. Et je suis amoureux d'une cigarette. Amoureux d'une cigarette. Oh, hey. Seguimos con un tema del álbum Alerté les bébés, Alertad a los bebés, disco de oro, su primero. El tema que da su nombre al álbum dura 10 minutos y no podemos escucharlo aquí, pero es antológico. Escucharemos Je suis qu'un grain de poussière, solo soy un grano de polvo, que también se quedó para la posteridad. Solo soy un grano de polvo que hace de una ciudad un desierto. un hijo de la tierra y el viento, perdido como un niño en el ojo del firmamento, prisionero de una corriente de aire a la orilla del infierno y del cielo. Escuchemos Suis qu'un grain de poussière de Jacques Higelin del año 1976. Un grain de poussière qui colle à tes bottines, qui bloque la machine, qui fait d'une ville un désert. Un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Un grain de poussière, perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air. Un grain de poussière, le fils du soleil et du vent. Et du ciel, un ange gardien du néant, un grain de poussière, infiniment petit ou grand. Este álbum también está el tema Je veux cette fille, quiero esta chica, en el sentido de quiero tener a esta chica. Dice, quiero esta chica que estaba conmigo cuando entré con ella en el bar. Estaba como una cuba y ahora ya no sé dónde está esta chica. Quiero esta chica, encontrádmela. Si no está aquí en un cuarto de hora, monto un pollo. Escuchemos Je veux cette fille de Jacques Higelin del año 1976. One, two, man. One, two, three. One, two, one, two, three, four. Je veux cette fille, cette fille qui était avec moi. Je veux cette fille, cette fille, comprenez-moi. Quand je suis entré avec elle, elle avait un petit coup dans l'aile. Et maintenant je ne sais plus, je ne sais pas. Où est cette fille, seule fille qui était avec moi? Quand on s'est pointé dans cette boîte, il y avait l'ambiance genre roule de gare. Les frangines avaient la peau moite, tous les mecs nageaient dans le coltard. Au type qui flippait dans l'entrée, j'ai dit hey, tu l'as pas vu passer mec? Et comme cet abruti me répond mais cette fille, seule fille qui était avec moi. Oh, t'énerve pas. Avec moi, oh, oh. Mais les gars, je veux cette fille qui était avec moi. Oh, je veux cette fille, trouvez-la moi. Je vous préviens que si elle n'est pas là d'ici un quart d'heure, je fais un malheur. Oh, je veux cette fille, je ne connais même pas. Qu'est-ce qu'il veut ce type? Qu'est-ce qu'il a? Oh, t'occupe, retourne au bar. Allez, dégage. Il veut cette fille. Cette fille qui était avec lui. Il veut cette fille. Cette fille. Trouvez-la lui. Mais attention au break. Ok, il veut cette fille. Cette fille. Ce soir est dans son lit. Llegamos al álbum No Man's Land y su tema estrella, Par, vete. Vete, sobre todo no te vuelvas, vete, haz lo que tienes que hacer sin mí. Pase lo que pase, estaré siempre contigo, pero el niño está aquí conmigo. Es como tú, impaciente, le gusta la vida, vete, y sobre todo, vuélveme. Escuchemos Par del año 78. enfant, mais il est là, il est avec moi. C'est drôle. Quand il joue, il est comme toi, impatient. Il a du cœur, il aime la vie, et la mort ne lui fait pas peur. Alors pars, surtout ne te retourne pas. Oh, pars. Mais qu'est-ce que t'as? El año 79 quedará en la carrera de Island como un año fantástico. Publicó dos discos, el primero Champagne pour tout le monde, champagne para todos, y el segundo Caviar pour les autres, caviar para los otros, los dos discos de oro. Escucharemos dos temas del primero y a continuación dos del segundo. Empezaremos obviamente con el tema Champagne, un tema muy surrealista que cuenta la historia de un muerto que se levanta del ataúd para darse un paseíto de noche al claro de la luna. Se encuentra en su camino con elfos, faunos, fantasmas, esqueletos, vampiros, sátiros y hasta el mismo diablo. Escuchemos Champagne del año 79. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages. Lutin, Luciole, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes. Joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse et mufière aux gorgones, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Mmh. s'il ne laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques et ne se dressait un bon dans un concert de jurons disant le tout pathétique que l'état des obscènes cyniques et corrompus passe une grief de leur peine à ceux qu'ils ont élus car devant tant de problèmes et de malentendus les dieux et les diables en sont venus à tous et de même dédain suprême mais déjà le ciel blanchit esprit je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Lâchez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Del mismo álbum, escuchamos Tête en l'air, La cabeza en las nubes, uno de sus títulos más famosos y una de las mejores descripciones de cómo se siente una persona enamorada. Y grito, y lloro, y me río, despreocupado en el alma de la primavera, en la tierra, frente a los dioses, enamorado de una emoción ligera, como un sol radiante, y bailo y lanzo una llamada a los arcángeles del amor. Hay cerillas en tus ojos, pianos en el buzón, botes de yogur en la vinagreta, como un vuelo de golondrinas escapado del cubo de la basura de los cielos. Escuchemos Tête en l'air del año 79. yeux, des pieds noirs que dans la boîte aux lettres, des gros de garde dans la minérale, les oubliettes au fond de la cour. Comme un vol d'hirondelles échappées de la poubelle des cieux. Del segundo álbum del 79, Caviar pour les autres, vamos a escuchar dos títulos. El primero, Je ne peux plus dire je t'aime, ya no puedo decirte te quiero. Es un hito en la canción de desamor, muy alejado de los ritmos rock de los otros temas. Ya no puedo decir te quiero, no me preguntes por qué. No siento ni alegría ni pena cuando tus ojos se posan sobre mí. La ley del gran amor es dura para quien se ha equivocado de camino. Si te pesa la soledad, siempre puedes puedes contar conmigo. Escuchemos Je ne peux plus dire je t'aime del año 79. Je ne peux plus dire je t'aime, friend of Waterland. Ne me demande pas pourquoi. Toi et moi ne sommes plus les mêmes. Pourquoi l'amour vient et s'en va? Que soit la solitude, elle te ramène à ton destin. La loi du grand amour est rude. Pour qui s'est trompé de chemin? Donner ma langue à couper. Trop de serpents sous les caresses. Trop d'amour à couteau tiré. Si la solitude te pèse, quand tu viens à passer par là, et qu'un ami vienne à manquer, tu peux toujours compter sur. Thank you. je ne peux plus dire je t'aime. Demande pas pourquoi. El segundo tema que vamos a escuchar es Rappelle-moi, Vuelve a llamarme, es de su mejor rock. Es la antítesis de la anterior en cuanto al significado, porque esta vez la quiere y la quiere mantener con él. Me rodeo como un perro cerca de este puto teléfono que nunca suena. ¿Escuchas mi corazón latir en la cinta del contestador? Llama cuanto antes, estoy falto de ti. Encima de una silla mis dos pies se balancean. ¿Aló? ¿Eres tú? Bueno, escucha, no estoy solo. Vuelve a llamarme un poco más tarde. Escuchemos Rappelle-moi del año 79. Oh,

retombé, amoureux, tombé sur toi, tombé en pamoise, avalé la ciguë, goûté le poison qui tue l'amour. L'amour encore et toujours. Y terminaremos escuchando la primera canción de su último trabajo, Isla 75, uno de sus discos más bellos y más libre. 8 temas solo, pero el último de 21 minutos. Os invito a escucharlo. Elle est si touchante, es tan conmovedora, es un homenaje a Isia, su hija, también cantante, principalmente en inglés, que estaba muy unida con él. Jacques tuvo otros 2 hijos, Arthur Ashe, un cantante con tantos discos como su padre, y Ken, un actor principalmente de teatro. Los 3 son hermanastros, pero al ser hijos únicos, cada uno son como una familia. Jacques también ha sabido vivir con amor. Es tan conmovedora que alrededor de ella todo canta, tan bella y encantadora que alrededor de ella todo se vuelve encantado. Es tan sublime que casi es un crimen de querer encerrarla a veces entre mis brazos y la quiero como es. Jacques, te había caído del cielo, pero para encantarnos, y a él ha vuelto a subir para siempre. Paz. Elle est si touchante qu'autour d'elle tout chante l'amour de la vie, si belle et si charmante qu'autour d'elle tout s'enchante. Elle est si sensuelle que mâle et femelle tombent en extase, se pâme et se pavane devant sa caravane. Elle est si jolie, craquante et sexy, que ses fans adorent, qu'elle rugisse et qu'elle ose, suggérée par ses poses. Qu'est-ce qui l'a fait bondir, sauter et rugir de colère ou de joie, de rage ou de plaisir? La marque boutée entre terre et ciel qui fait vibrer ses ailes. Rebelle, rebelle, elle est si touchante qu'autour d'elle tout chante la nuit comme le jour, et parfois c'est cruel qu'on se flinguerait pour elle. Elle est si vivante, drôle et désarmante, qu'on toucherait du doigt ce qui vibre en elle,